toujours, en Corée du Sud, les organisations civiles et sociales, y compris l'Action nationale contre l'installation de SAD, ont tenu le vent courant une conférence de presse près l'ambassade des États-Unis à Séoul contre les complots américano-sud-coréens provoquant un conflit nucléaire dans la péninsule coréenne, selon le journal internet sud-coréen Tazu Sibo. Par ailleurs, la formation sud-coréenne Gens pour la paix et la réunification et le comité de mesures extraordinaires pour la protection du lieu sacré de Songju du bouddhisme orthodoxe ont organisé le même jour une action de paix devant le siège du ministère de la Défense en signe de protestation contre les menées de guerre des États-Unis et des autorités sud-coréennes.